Niyonguru. Merci de garder écoute Siri Sanganiro. Bienvenue à cette édition. Mais d'abord, les principaux titres. Plus de 2000 sages-femmes qui travaillent dans le domaine de la santé reproductive n'ont pas du travail, sauf seulement plus de 400 qui ont été embauchées dans différents hôpitaux publics et privés. L'association de ces sages-femmes explique que ce chiffre est encore trop bas. À Kitega, 647 dossiers sur 666 prévus ont été rédigés et rendus par la Cour suprême. Annonce faite ce vendredi par le président de cette Cour à la Cour d'appel de Kitega après un mois de retraite des juges de cette juridiction. Et le centre urbain de Kirundo connaît aujourd'hui une quantité insuffisante d'eau potable, comme l'a signalé l'administrateur de cette commune. Et cet administratif a fait savoir que ce centre regorge actuellement l'eau alimentée à 1995 quand la population était estimée à 5 000 seulement, alors qu'aujourd'hui il s'estime à plus de 25 000. Voilà pour le sommaire. Je le disais tantôt dans les titres, plus de 2000 sages-femmes qui travaillent dans le domaine de la santé reproductive n'ont pas du travail, sauf seulement plus de 400 ont été embauchées dans différents hôpitaux publics ou privés. Augustin Harushimana, représentant de l'association des sages-femmes au Burundi, M.A. Vyaruheke, explique que ce chiffre est encore trop bas au moment où ces personnes sont nécessaires dans les structures de santé. Il l'a dit à la veille de la célébration de la journée dédiée aux sages-femmes, célébrée le 5 mai de chaque année. Suivez. Cette année 2024, nous avons le thème qui est « Une sage-femme est une solution vitale pour le climat ». Cette journée arrive où 2845 sages-femmes qui existent au Burundi. Parmi les 2800, seulement 494 sages-femmes travaillent dans le secteur privé et le secteur public. Nous appelons au gouvernement de mettre en application la loi qui a été promulguée par le décret qui a été promulgué par le président de la République du Burundi, c'est le décret sur l'ordre des sages-femmes et des infirmiers. C'est le décret qui nous donne l'occasion d'avoir le règlement qui nous ordonne ou le règlement qui nous donne l'orientation de travail. Les sages-femmes sont une solution vitale pour le climat. Les sages-femmes sont là pour aider les femmes et les enfants et les jeunes en ce qui concerne la santé sexuelle reproductive. Au Burundi, nous appelons à tous les intervenants, toutes les parties prenantes d'investir dans la profession sage-femme afin que les sages-femmes soient une solution vitale pour la réduction de la mortalité maternelle. Donc j'appelle à tous d'intervenir, à tous d'investir dans la profession sage-femme afin que les sages-femmes soient une solution où les sages-femmes participent au développement durable de la santé mère-enfant au Burundi. Augustin Harushimana interpelle également le gouvernement à soutenir le travail des sages-femmes en mettant en place une loi qui les régit et souhaite que les hôpitaux ou d'autres structures de soins de santé soient bien équipés pour le bon fonctionnement des activités. Encore une fois, Augustin Harushimana. L'ordre des sages-femmes est déjà promulgué, il faut que ça soit appliqué. Et dans l'ordre ou dans le décret qui a été promulgué, on dit que c'est le ministère de la Santé qui est en charge de mettre en application de cette loi. Donc il faut qu'il soit appliqué afin que la santé publique soit protégée. J'appelle aussi le secteur privé. Ils ont le droit d'engager les sages-femmes pour que ces 2300 sages-femmes soient engagées afin que les maternités du Burundi et les sages-femmes comme solution sur la réduction de la mortalité materno-fétale. Aussi, il faut équiper les maternités. Les maternités du Burundi doivent être équipées. Il faut le renforcement des capacités pour les sages-femmes afin d'utiliser cet équipement qui sert, que je dirais, quand on équipera les maternités, il faut que les sages-femmes soient aussi renforcées en capacité afin d'aider les femmes et les enfants pour la réduction de la mortalité materno-fétale au Burundi. Alors que ce vendredi 3 mai, le monde est célébré la journée internationale de la liberté de la presse. Les journalistes sont appelés à produire des reportages et des émissions qui informent la population sur les changements climatiques. Annonce faite par Thierry Kitamoya, assistant du ministre de la Communication. Il a indiqué également que le métier du journalisme au monde connaît des hauts et des bas selon le rapport des Reporters sans frontières. Suivez-le. Dans le monde entier, la liberté de la presse a connu certes des hauts et des bas, comme le prouve le rapport de Reporters sans frontières, et reste même aujourd'hui à l'épreuve dans certains pays surtout les pays encore en crise. Dans notre pays, nous pouvons nous réjouir que la liberté de la presse a connu quand même une étape très importante, ce qui est caractérisé par de bonnes relations qui existent entre les médias et les pouvoirs publics. Cela, aux efforts consentis par le gouvernement du Burundi à garantir un libre accès à l'information publique, mais aussi aux organisations des professionnels des médias qui ne cessent de prodiguer des conseils aux journalistes pour bien mener leur travail. Mesdames et messieurs, garantir la liberté de la presse au Burundi est une priorité car le Burundi reconnaît que les médias indépendants, libres et pluralistes constituent le pivot de la bonne gouvernance qui est le pilier de tous les autres droits. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour cette année arrive au moment où notre pays est tristement frappé par des catastrophes naturelles dues essentiellement au changement climatique qui, eux aussi, sont consécutifs à la destruction de l'environnement. Connaissant votre noble rôle de leadership et de coordination de la communauté médiatique, votre responsabilité doit être plus que jamais démontrée. Votre voix arrive loin et vous devez mettre cette faveur au bénéfice des citoyens qui ont besoin d'être informés et éduqués à la protection de l'environnement et des attitudes à adopter face aux défis environnementaux. La multiplication des messages, donc sensibilisation, des reportages, des émissions et magazines doivent être multipliés aujourd'hui où la population fait face aux effets d'inondations et des catastrophes de diverses natures. Vous êtes donc interpellé à jouer pleinement votre rôle au service de la préservation de l'environnement. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Les nouvelles des provinces, les habitants de Kayanza qui n'ont pas respecté l'hygiène et l'assainissement au chef-lieu de cette province ont été taxés d'amende d'une somme de 1,7 million depuis le mois de mars. Ceux à qui on a taxé des amendes sont composés essentiellement des tenants des cabarets et restaurants qui ne sont pas dotés des latrines. Bernardin Nyavinda, en charge de l'hygiène et assainissement de la commune Kayanza, appelle la population à faire régulièrement de l'hygiène dans leur ménage et dans leur lieu de travail. Il rappelle à la population que le manque d'hygiène est à l'origine de beaucoup de maladies. Je le disais tantôt dans le titre, 647 dossiers sur 666 prévus ont été rédigés et rendus par la Cour suprême. Annonce faite ce vendredi par le président de la Cour à la Cour d'appel de Gitega. Après un mois de retraite des juges de cette juridiction, Emmanuel Gatelete a indiqué qu'une loi portant également règlement d'ordre intérieur des magistrats est en cours d'élaboration pour booster le rendement mensuel des juges. Écoutez-le au micro d'Arthur Kavaouchi. Au début du mois d'avril, la Cour suprême a lancé une retraite des magistrats de la Cour suprême qui a été organisée ici à la capitale politique, à Gitega, où ils avaient à délibérer et rédiger 666 dossiers. Parmi les 666 dossiers, 647 ont été traités et clôturés. Et ces dossiers viennent d'être prononcés ici dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Gitega. Cette activité est une activité d'importance capitale dans le but de la réduction des arriérés judiciaires. Nous avons remarqué que à la Cour suprême, il y a beaucoup de dossiers qui entrent. Il y a beaucoup de dossiers qui sont pris en délibéré et avec les activités des juges de la Cour suprême, il est vraiment difficile de se concentrer et donner un rendement suffisant. Normalement, le rendement mensuel de chaque juge, c'est de 10 dossiers clôturés. Nous pensons continuer à organiser de telles activités pour réduire les arriérés judiciaires à la Cour suprême. Et quand nous avons lancé cette activité, nous avons demandé aux justiciables de patienter tout le mois d'avril pour qu'à la fin du mois, ils viennent voir le résultat de cette retraite. Alors, j'invite les justiciables qui avaient des dossiers en délibéré à la Cour suprême de venir de mardi dans les grèves de la Cour suprême pour être signifiés des jugements qui ont été rendus. Dans le règlement d'ordre intérieur des juridictions, on dit que chaque juge doit clôturer au minimum 6 dossiers par mois. Nous sommes en train de préparer un nouveau règlement d'ordre intérieur des juridictions après la promulgation de deux textes fondamentaux de loi, le code de l'organisation de la compétence judiciaire et le code de procédure civile pour être adapté au nouveau texte juridique. Quittons Gitega pour Kirundo, où le centre urbain de cette province connaît aujourd'hui une quantité insuffisante d'eau potable, comme l'a signalé l'administrateur de cette commune, Habimana Viater, lors de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs. Cet administratif a fait savoir que ce centre regorge actuellement l'eau alimentée en 1995, quand la population était encore 5000 seulement, alors qu'aujourd'hui elle s'estime à plus de 25 000. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et Mines, qui avait représenté le gouvernement dans cette cérémonie, a signalé que l'insuffisance d'eau potable à Kirundo est connue, qu'il va prendre en main cette question. Le point avec Abraham Safari. Comme l'a dit l'administrateur de la commune de Kirundo, Haïmana Viateur, lors de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs, le centre urbain de Kirundo s'agrandit de jour au lendemain, mais qui connaît l'insuffisance de l'eau potable. Viateur Habimana a précisé que ce centre urbain a été alimenté en eau potable en 1995, quand il avait seulement une population s'estimant à 5000. Mais actuellement, continue cet administrateur, ce centre urbain connaît une population qui s'estime à plus de 25 000 personnes, ce qui fait que la quantité d'eau restait insuffisante. Quant au ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et Mines, Ibrahim Ouizeye, qui avait représenté le gouvernement dans cette cérémonie, la question de suffisance d'eau potable à Kirundo est déjà connue. Le ministre Ouizeye a ajouté qu'ils ont eu un problème lors du raccordement d'eau vers la commune de Bugabira, où 5 milliards de plus a été ajouté. Or, selon les informations issues de l'administration, une petite quantité d'eau devait également alimenter le centre urbain de Kirundo. Le ministre Ouizeye de l'Énergie et Mines a terminé ce point en promettant à la population de Kirundo qu'il va d'ici bientôt organiser des descentes pour se rendre compte de l'état des lieux de cet approvisionnement en eau potable en cette province. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Quittons Kirundo pour la capitale économique Bujumbura, où le commissaire général du commissariat général des migrations estime que la digitalisation de ses services a entraîné plus de 90% de baisse de la corruption dans ce secteur. Maurice Mbonima s'exprimait dans un point de presse ce vendredi, appelle cependant les demandeurs de ces documents de continuer à dénoncer toutes ces personnes qui seraient impliquées dans la corruption en matière d'octroi des documents. Suivez-le. Je peux vous dire, sans me tromper, qu'actuellement, 99% de la situation a changé après la digitalisation des services de l'octroi des documents de voyage. Nous avons remarqué que ces derniers jours, il y a des gens qui se confient aux réseaux sociaux, par exemple, Facebook et autres systèmes de communication, pour demander des services, soit en disant que c'est un service public alors que ce serait volé, ce sont des escrocs. Nous demandons toujours à quiconque qui remarque cette situation pour dénoncer ces personnes. Les personnes qui sont dénoncées, que ce soit au niveau de la police ou de la population, est punie conformément à la loi. Vous pouvez même aller au commissariat général de la police judiciaire. Ces derniers jours, nous sommes en train, je dirais, de traduire en justice beaucoup de personnes qui viennent avec ces documents frauduleux. Donc, nous conseillons toujours aux demandeurs de ces documents de dénoncer quiconque qui demande de l'argent ou toute autre façon qui est en dehors de la réglementation. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de la presse avec Jean Bosco Ndouimana. Au revoir. Médard Niyonkuru. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. La soif d'aujourd'hui, titre l'éditorialiste du journal Iwachu. Allusion faite à la pénurie des boissons Brarudi qui perdure et qui provoque un malaise social. Au Burundi, pays de transition brassicole, la bière est reine, rappelle son confrère. Pour la majorité de Burundais, poursuit-il, un événement excluant l'alcool n'en est pas un. Dans la joie comme dans le malheur, en famille ou entre amis, la bière est obligatoire. Elle est présente dans les grands rendez-vous ou cérémonies sociales, tant heureux que malheureux. L'éditorialiste du journal Iwachu fait remarquer que les conséquences directes s'abattent sur les commerçants dépendants de cette entreprise. depuis les détaillants jusqu'aux grossistes, sans oublier un malaise dans cette société burundaise très attachée aux produits Braroudi. L'éditorialiste de cet hebdomadaire pense à une publicité qui montre une bière fraîche servie dans un joli verre et en dessous c'était écrit « La soif d'aujourd'hui ». Les analystes du secteur économique de notre pays estiment qu'une éventuelle fermeture des activités de cette entreprise, au regard de ses rentrées des fonds dans les caisses de l'État, risque de causer une asphyxie économique au pays, note l'agence en ligne NetPress. D'aucuns se rappellent que de par le passé, fait remarquer son confrère, la Braroudi contribuait énormément dans le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État. Elle était parmi les sociétés qui engageaient beaucoup de gens, si bien qu'aujourd'hui, les mêmes analystes trouvent injuste que ces activités soient ralenties à cause du manque de devises, comme elle l'a déjà signalé, écrit toujours NetPress. Pour illustration, le journal Burundi Echo montre que pour l'exercice budgétaire 2020-2021, les entreprises dans lesquelles l'État détient des actions ont versé des dividendes équivalents à 31,1 milliards de francs burundais, avec une part de la Braroudi de 27 milliards de francs burundais, soit 86%. Pour la même année budgétaire 2020-2021, la taxe sur la consommation de la bière a contribué à hauteur de 116,3 milliards de francs burundais de recettes. Mais si cette pénurie des boissons de la Braroudi perdure, fait remarquer son confrère, les recettes issues de la consommation de la bière diminueront, fait remarquer cet hebdomadaire socio-économique. Régression des taxes communales, constate l'agence burundaise de presse. Les communes de la province de Bujumbura souffrent de la diminution des taxes perçues sur les produits vivriers vendus au marché, sur les mines et carrières et d'autres produits taxables, précise son confrère, qui donne l'exemple de la commune Kawezi, où certains projets d'investissement communaux peuvent ne pas être réalisés suite au manque de fonds. Sans donner de chiffres, le conseiller de l'administrateur de Kawezi chargé des affaires économiques, du développement et des statistiques, Ferdinand Manirakiza, a indiqué à l'ABP que la pénurie du carburant se répercute fortement sur les rentrées des recettes communales, car les camions bennes qui collectaient les matériaux de construction, moellons, sable et gravier, viennent au compte-gouttes, alors que le gros des taxes provenait de ce secteur. Il a ajouté par ailleurs que les changements climatiques ont affaibli la production vivrière et fruitière, surtout celle des oranges et des mandarines, alors que la commune Kawezi encaissait beaucoup de taxes issues des agrumes, souligne ce quotidien. On termine cette revue de presse par cette révélation d'un blogueur du collectif Yaga qui rapporte le calvaire d'Eliane, c'est un nom d'emprunt, battu jusqu'à l'avortement par son mari. Ce blogueur regrette qu'en milieu rural, les appels à l'aide des victimes se perdent souvent dans un silence complice. Les professionnels de santé touchés par la cruauté dont la pauvre femme a été victime n'a pas voulu que cette triste histoire passe inaperçue. Note ce blogueur du collectif Yaga. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Nos programmes continuent. Revue de la presse.